Chapitre 7e. J'étais, en effet, affolé absolument. Je croyais Raymonde en danger. Je voulais la voir, la secourir. Cette obscurité me faisait perdre la raison. J'avais peur que le Bulgare, dont j'avais pu voir la taille, dont je connaissais la force et dont j'entendais les ahans furieux, n'échappât aux policiers. Et j'avais préparé à tout hasard mon revolver. Mais ce que je voulais avant tout, c'était voir Raymonde, m'assurer dans quel état elle était, car je ne l'entendais plus. Je ne savais pas où elle était tombée, et j'avais peur, en changeant de place, de marcher sur elle, de lui faire du mal. Il était impossible de rien distinguer dans ce noir qui nous environnait. C'était la nuit totale, et cette nuit si profonde me mettait comme en démence. Je hurlais encore « De la lumière, de la lumière !» Riquet était enfin parvenu à maîtriser son adversaire. Et voici quel fut le spectacle, éclairé par sa lanterne, quand il put enfin, à mon appel, en démasquer la lumière. Le Bulgare gisait à terre, les menottes aux mains, le regard farouche, la bouche pleine de bave et mâchant d'ignobles injures que je n'entendais même pas. Son corps, ligoté solidement, avait des soubresauts comme celui d'un serpent coupé en plusieurs tronçons. Le policier, le genou sur sa poitrine, essayait de l'immobiliser. Et plus loin, Raymonde gisait, aussi blanche qu'une morte et aussi immobile. Je me jetai sur elle, la saisis dans mes bras en criant « Raymonde, ma Raymonde, entends-moi, réponds-moi, tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Tu ne me ferais pas cette douleur !» À mon cri, en me voyant Raymonde dans les bras, mon rival, affolé de jalousie, avait fait de nouveaux efforts pour se dégager. Riquet lui mit son revolver sur le front. « Ne bougez pas ou je tire !» Alors le misérable parut se calmer un peu. Pendant ce temps, je m'étais assuré que Raymonde n'était pas morte. Son cœur battait. J'avais senti les mouvements de son pouls. Elle était évanouie seulement. Mais comment la faire revenir à elle? Nous n'avions rien. Je la trouvais amaigrie. Comme elle devait être faible. Et cette pensée me faisait monter au cerveau une telle colère que j'avais envie de me précipiter sur l'infâme bourreau et de le frapper jusqu'à ce qu'il expirât. Mais je comprenais combien il eût été lâche d'assommer un homme sans défense. Et je parvins à dompter ma fureur. Riquet avait fait des recherches dans le cachot assez spacieux dans lequel Raymonde avait été enfermé. Il poussa tout à coup un cri de triomphe, et il revint avec une cruche d'eau. Je m'en emparai aussitôt, et j'en répandis quelques gouttes sur le front de ma femme. La fraîcheur de l'eau lui fit faire un léger mouvement. Je fus un peu plus rassuré, et pendant que Riquet surveillait le Bulgare, je continuai à donner mes soins à Raymonde, et j'eus la joie surhumaine de lui voir ouvrir les yeux et de l'entendre en parler. « André, murmura-t-elle, comme en extase, c'est vous. C'est moi, ma chérie. Je puis enfin vous découvrir et je viens vous délivrer. Et vous resterez auprès de moi, je vous emmènerai, chez nous, dans notre appartement, dans cet appartement que j'ai fait arranger pour vous et où j'espérais être si heureux. Mais nous le serons heureux maintenant, personne ne viendra plus nous séparer. Et cet homme, ce ravisseur, dis-je en montrant le Bulgare qui rugissait, je vais le livrer à la justice et j'espère qu'on ne le lâchera pas de si tôt. Les tribunaux, mâcha le gredin entre ses dents. « Voilà votre bravoure !» Je me tournai vivement vers le misérable. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que si vous n'étiez pas un lâche... » Je bondis à ce mot de lâche. « Un lâche, moi ?»« Oui, un lâche, puisque vous voulez charger des magistrats de terminer notre querelle. Ce n'est pas ainsi qu'on agit entre hommes d'honneur. Mais l'honneur est un petit grain de papier. » J'étais devenu d'une pâleur de mort. Je levai la main. « Ah, si vous n'étiez pas enchaîné, avec quel plaisir j'abattrais ma main sur votre face de balai !»« Je considère le soufflet comme reçu, et je suis prêt à vous en rendre raison. »« C'est bien, nous nous battrons. Aussi bien je préfère cela. J'aurai ainsi la joie de vous châtier moi-même. » Raymonde gémit. « Vous allez vous battre ? Laissez, mon ami, laissez. Avec cet homme ? Et je serais trop heureux de lui enfoncer mon épée dans le corps, ou de lui trouer le front d'une balle de mon pistolet. » « Si c'est lui qui vous blesse, qui vous tue ?»« Non, non, ma cause est juste, c'est moi qui serai vainqueur. » Je me tournai vers Riquet. « Déliez-le, il est libre. » Le policier se récria. « Mais, monsieur, vous n'y pensez pas. »« Je crois que monsieur est homme d'honneur. Il l'a bien prouvé. » murmura Riquet entre ses dents. « Et qu'il tiendra, ajoutai-je, à régler correctement notre querelle. » Riquet hésitait. « Vous ne voulez pas porter plainte ?»« Non. » « Mais il y a eu enlèvement, séquestration ?» Ce sont là des crimes de droit commun. Ce qui s'est passé ne regarde que moi, et j'espère venger autrement, et moi-même, ma chère Raymonde. Je quittai Raymond, qui était debout maintenant, et m'avançant vers le Bulgare. « On va vous mettre en liberté, monsieur. Je me fie à votre parole d'honnête homme pour nous laisser sortir d'ici et ne plus rien tenter contre nous. Le sort des armes décidera ensuite entre vous et moi. C'est entendu, monsieur. J'attendrai vos témoins à mon hôtel. Je vais vous donner ma carte. » Riquet ne se décidait pas à relâcher son prisonnier. Raymond se pendit à mon bras. « J'ai peur, » me dit-elle tout bas. « Et de quoi, ma chérie ? Vous allez vous battre avec cet homme ? Mes épreuves ne sont pas finies, pourtant j'ai bien souffert. » « Ce sont ces souffrances précisément que je veux venger, et venger moi-même. » « Mais si vous êtes blessé, si... » Elle n'osa pas prononcer le mot qui lui venait à la pensée. « Rassurez-vous, je sais tenir une épée. »« C'est à l'épée que vous vous battrez. » ?»« Je ne le sais pas encore. » »« Il aura peut-être le choix des armes. » »« Et s'il choisit le pistolet ?»« Je sais tirer aussi, je le tuerai plus facilement. » »« Mais vous courez plus de risques, mon ami. » »« Ne vous occupez pas de cela. » Raymond me serre le bras avec plus de tendresse. « Ah, si j'allais vous perdre !» Je m'efforçais de la rassurer de mon mieux. Pendant ce temps, Riquet avait enlevé à mon rival ses poussettes, dénoué ses liens. Il était debout, un air de défi aux yeux. « À bientôt, monsieur !» me dit-il. « À bientôt !» Sur le point de s'en aller, il revint pour dire « Je n'ai pas besoin de vous indiquer le chemin pour sortir, puisque vous l'avez trouvé pour entrer. » Il tira une carte de sa poche. « Et voici ma carte !» Je la pris comme on eût saisi quelque objet répugnant et je la serrai dans ma poche. « Mes témoins seront chez vous dans quelques heures, le temps de les prévenir. Je les attendrai. » L'homme sortit enfin. Je demeurai seul avec Raymond et Riquet. Celui-ci me fit aussitôt les observations les plus vives. J'avais tort de me battre avec ce misérable, de risquer ma peau quand je pouvais si bien m'en débarrasser autrement. « Je n'ai jamais supporté qu'on me traitât de lâche, » ripostai-je. « Je ne commencerai pas. » Les injures d'un pareil homme, capable d'enlever une femme, de la menacer, de la maltraiter, cela ne compte pas. Cela compte pour moi. Et d'ailleurs, j'en veux trop à ce misérable, pour ne pas être heureux d'avoir l'occasion de me mesurer avec lui. Alors vous ne le ferez pas arrêter, vous ne le dénoncerez pas. À quoi bon? Moi, je me battrai, puisque vous tenez à vous battre, et après, je le ferai bel et bien emprisonner. J'espère n'avoir pas cette peine. Vous pensez le tuer? Ou le blesser assez grièvement, du moins, pour qu'il fasse, dans son lit, quelques mois de cachot. « Je souffre, » dit Raymond, « de vous entendre parler ainsi. »« Pourquoi, mon ami ? Parce que je pense que c'est vous qui pouvez être blessé ou tué. J'avais tant besoin de repos, » ajouta la pauvre femme. Je compris, à l'expression de détresse de sa physionomie, tout ce qu'elle avait dû endurer. Et cela ne fit que me raffermir dans ma résolution de tirer vengeance de mon odieux rival. Mais j'avais hâte de changer de sujet de conversation. « Sortons d'ici, » dis-je. Et dehors, vous me raconterez, Raymond, ce qui vous est arrivé. Je vous dirai aussi ce que j'ai fait, comment nous avons pu, Riquet et moi, parvenir à découvrir votre retraite. C'est par le plus grand des hasards, ou plutôt par une permission de la Providence, que nous sommes arrivés jusqu'à vous. Vous souffriez donc bien, pour que vos plaintes aient pu traverser la terre et être entendues au dehors. Raymond ne répondit pas. Elle me regarda sans comprendre, et je vis des larmes perler dans ses yeux. Je ne pus contenir mon attendrissement. « chère femme, » m'écriai-je en la prenant dans mes bras, « comme tu as dû souffrir quand je voulais te voir si heureuse. »